Et si je te racontais notre prochain voyage, je veux dire en plein délire, en plein vagabondage. J'ai l'air de plaisanter, mais je rigole pas du tout. Être une fois cinglé, une fois vraiment fou. Partir, bon Dieu, partir sans savoir où l'on va. Faire de la planche à voile au détour d'un delta. D'accord, on prend la fuite, imaginons la suite. Pour un mois, pour un an, je sais pas. Et si l'on revient moins riche, qu'est-ce que ça peut faire? D'ailleurs, qui seront les riches? C'est pas notre affaire. Je rêve d'une route en plein soleil. Dis-le aux oiseaux où nous aurions toujours sommeil. Et si l'on revient moins riche, c'est tout aussi bien. D'ailleurs, qui seront les riches? Ça, je n'en sais rien. Je t'aurais vu nager sous un ciel d'Occident, rêver tout éveillé devant un océan. Un été éternel d'un amour aquarelle. C'est pas original, c'est bleu, carte postale. Nous garderons tant pis même si c'est un peu bête. Ces reflets de la vie comme un mauvais poète. On aura eu l'idée d'un paradis sur terre. On aura joué la pièce entière. Et si l'on revient moins riche, qu'est-ce que ça peut faire? D'ailleurs, qui seront les riches? C'est pas notre affaire. Je rêve d'une route en plein soleil. Dis-le aux oiseaux où nous aurions toujours sommeil. Et si l'on revient moins riche, c'est peut-être mieux avant que l'on en finisse. Avant d'être vieux, on aura eu des souvenirs, des nuits entières à rêver sans dormir.